pas une seconde chance. Les nerfs à vif comme un extola. J'écris l'amour avec plein de papillons dans l'estomac. La peur de l'échec et de l'avenir, je connais ce regard. Les coups de foudre, la pluie sur les joues, ouais, je connais cet orage. J'aime pas l'attente, non, je suis pas patient. Je pense que l'adultère est dans notre couplet qui prépare un campement. Apporte un pansement, je parle à cœur ouvert là. C'est une histoire d'amour et moi j'ai rien à faire là. Au départ, tu me promettais ta vie et le monde. T'as vu cette montagne, tu m'as largué, t'étais une bombe. J'ai vu la tombe de notre relation, quelle honte. Notre histoire, un braquage où le couple se plombe. Laisse-moi une chance, ouais, j'essaierai d'être sensuel. Mes sens perdent désespérés, je ne pense plus. Elle me parle comme si j'étais qu'un pote pour elle. Et à chaque jour qui passait pour moi, t'étais encore plus belle. J'ai la haine, je te jure, parfois j'ai de la peine. Je pense à ces belles anges, mais je sais que c'est la guerre. Je tremble, je sais que je vais la perdre. Me sens vexé à vert sur mes joues, mort ou vivant. Je te jure que c'est la même. Sérieux, c'est la merde, l'adultère me la met. Tu laisses partir une dame et les problèmes te ramènent. La vraie femme de ma vie, c'est ma mère. Alors pars, je respire avant que ma vie ne s'arrête, poteau. Je suis serein et puis j'ai viré dans le doute. Mais je garde la tête, donc je l'écris même dans le couplet. J'ai le coup qui accélère, j'ai le blues. Je suis parfait, les disadora, moi j'ai le goût. Moi j'ai passé des taxes et des joints pour passer des portes. Je veux battre des toits, t'es là, tchat, j'ai des potes. J'aime passer des corps, les larmes et les cris. Je te jure que là tout de suite j'ai de la peine à écrire. J'ai pas un cœur de pierre, moi. J'ai peur de me perdre, d'être seul, solitaire, mon trou. J'ai peur de le faire, moi. Derrière la cique, je suis enfermé sans la pêche. J'ai oublié les coups, mais ma conscience en rappelle. J'ai passé des gars. Mais entre la tristesse et moi, y'a pas trop de cul. Y'a pas assez d'égards, je compte pas assez des bras. Je compte dépasser mes bras autour de toi. Ça venait du cœur, y'avait rien de cérébral. Faudrait qu'on se quitte en bon terme. T'es mal tant qu'on perd, je t'aime toi pas une autre. J'te jure, t'es pas en compète. Ma meilleure conquête, j'te laisse sur scène notre triste. Mais j'veux que tu sois la seule qui puisse porter mon fils. J'ai perdu le sourire depuis que t'es parti de ma vie. Je me retrouve comme un étranger qui s'est perdu dans la ville. J'ai peur que tu sois heureuse à m'oublier avec un autre. Je sais pas comment me battre, comment faire pour passer tes doutes. Je veux pas que mes erreurs viennent au profit d'un étranger. J'ai largué l'adultère, je te promets de m'étranger. Ma belle, laisse parler ton cœur, n'écoute pas les trompeurs. Laisse-moi une seconde chance, je vaincrai toutes tes peurs. On a besoin d'un second souffle, on est ceux qui souffrent. On voit qu'il est trop tard, qu'on l'a perdu et c'est là qu'on souffre. Merde. Regarde, on se met en scène. Laisse-moi une chance, au moins juste une étincelle. Je suis fou de toi, ce qu'on m'enferme, peut-être en psychiatrie. Laisse-moi soigner tes blessures, cacher tes cicatrices. Il paraît que j'étais beau et que j'avais tout pour moi. J'avais pas que je t'aimais autant et que t'étais tout pour moi. Laisse-nous une chance, hein. J'aimais tant, mais t'as les tiens, c'est pas un drame. Je suis dans un sale état, mais je tiens. On n'est jamais les mêmes, on a un côté schizo. Celle que je veux, moi c'est toi, je veux pas des dix. Je veux pas que tu ris, pas que tu flippes. Toi et moi, une durée capturée. Ton amour n'a pas de prix, je peux pas le facturer. Je veux pas un jour entendre, voilà tiens mon fils. C'est plus mon cœur mais ta présence qui nous maintient en vie. On a eu grave des débats, des graves et des crades. Rendons les armes avant que cette guerre nous nous dégrade. On se prenait pas la main, dîner aux chandelles. Une histoire sans lendemain qui vire au champ de merde. J'ai peur que cette histoire me ronge et vienne à ma fin. Je voulais te présenter ma mère, lui dire voilà ma femme. Hey, qu'est-ce que tu fais, tu regardes mes potes là. J'ai de la peine à revendre, j'en fais des pots de larmes. J'ai frotté la lampe, je voulais faire un vœu. Je crois bien qu'on s'est brûlé à force de jouer avec le feu. Il écrase ce décor, je veux qu'on s'embrasse, je veux ton corps, qu'on s'enlace. Et encore, je veux pas être ton pote. Laisse-nous une chance, non. Donne pas raison aux gens. Ceux qui parlent tout bas, tu sais qui mettent des coups aux gens. Laisse-nous une chance, non. Mais comment me contenir. J'ai de l'amour, plein la tête, plein les conteneurs. Oublie les promesses qu'on tient pas. Les cauchemars les retiens pas. Ma puce, viens dans mes bras, non, je me contiens pas. Viens, assis-toi, il fallait qu'on se parle. On est con, je sais pas, mais fallait peut-être pas qu'on se sépare.